La conférence aujourd'hui porte sur la peur. C'est un sujet qui est très, très vaste, la peur. Il y a énormément de choses à dire. Je ne peux pas en parler trop longtemps pendant 4 heures. Mais je veux vous donner l'essentialité de ce phénomène humain, soit en fonction de votre psychologie présente ou en fonction de votre expérience future dans les années où certains parmi vous vivront de plus en plus la pénétration de l'énergie qui crée automatiquement des remous dans l'homme. Le phénomène de la peur, c'est un phénomène humain. Je ne parle pas de la peur sur le plan animal, là, mais je parle sur le plan humain. Le phénomène de la peur, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène qui est terrestre, qui appartient à notre planète. Et c'est un phénomène qui est issu du fait que l'homme, étant en évolution, vit énormément, ou presque à 100%, au niveau de sa conscience astrale. L'homme commence avec l'évolution à vivre de sa conscience mentale supérieure et avec le temps, la conscience astrale sera très diminuée chez lui, donc la peur avec le temps disparaîtra. Mais l'homme ne connaît pas la peur. Il la vit, la peur, mais il ne connaît pas ses mécanismes. Il ne connaît pas ses lois. Et parce qu'il ne connaît pas ses lois, il a tendance à faire une psychologie de la peur, c'est-à-dire de l'interpréter psychologiquement. Et à cause de cette interprétation, l'ego, lui, subit l'impression que son intellect lui donne, et l'homme, à cause de cette impression, au niveau de l'ego, souffre dans sa peur. Autrement dit, l'homme vit la peur subjectivement. Il ne la vit pas objectivement parce que les mécanismes de la peur ne lui ont jamais été expliqués. Si l'homme reconnaît aujourd'hui, de plus en plus, que l'ego, que sa conscience inférieure est le produit d'une subtile manipulation à partir d'autres plans, l'homme doit reconnaître aussi que la peur est le produit d'une subtile manipulation à partir d'autres plans. Donc, ce que l'homme devra comprendre au cours de l'évolution, c'est que la peur, ce n'est pas la faute de l'ego. Que la peur est une condition, une situation vibratoire créée chez l'homme pour son évolution. Il y a à la peur un côté négatif, il y a un côté positif. Il y a un côté positif dans ce sens que la peur sert, comme je l'expliquerai cet après-midi. Il y a le côté négatif dans le sens que la peur, elle est réfléchie par l'ego, donc elle crée chez l'homme une impression qui diminue son être et qui fait ou qui donne à son être l'impression d'être peureux. Autrement dit, ne pas être capable de subir, de vivre objectivement, sans cette peur, une situation de vie quelconque. Si je dis que le phénomène de la peur est un phénomène que l'ego doit comprendre objectivement, c'est pour faire comprendre à l'homme que dans sa vie de tous les jours, que la peur se soit située sur un plan purement matériel, purement événementiel, ou que la peur se situe à un niveau beaucoup plus occulte, beaucoup plus subtil, en relation avec des percées vers lui d'activités invisibles, que ce soit sur un plan ou sur un autre, l'homme doit réaliser que la peur est l'activité de l'esprit à travers son ou sa conscience astrale. Si nous divisons l'homme simplement pour faire comprendre le plan d'explication, Si nous considérons l'homme comme étant une quantité matérielle, et ensuite l'homme étant une quantité astrale, et ensuite l'homme étant une quantité d'intelligence ou d'esprit, la peur est le produit de la descente à travers sa conscience astrale d'une énergie qui crée chez lui une réaction psychologique, émotive, alimentée par une mentation inférieure, et c'est ceci qui crée dans l'ego une réflexion qu'on appelle la peur. Donc, la peur chez l'homme n'est pas comprise mécaniquement, elle n'est pas vécue objectivement, elle est interprétée subjectivement et suggestivement par l'ego. Donc, l'ego qui vit la peur se sent diminué dans son intelligence et automatiquement alimente par ses pensées et ses émotions cette énergie au lieu de la tuer dans l'œuf, c'est-à-dire de la vivre d'une façon objective, pour renforcer son mental, neutraliser son émotivité et éventuellement, au cours des années, en arriver à ne plus avoir de peur, ne plus souffrir de la peur, que ce soit sur le plan événementiel de tous les jours ou que ce soit sur le plan très, très poussé de la pénétration des forces occultes dans le monde de la matière. Pour que l'homme évolue vers les mondes, vers les éthers, pour que l'homme ait accès un jour aux éthers, il faut que l'homme soit préparé aux éthers. Donc, la peur est l'outil ultime servant à préparer l'homme aux éthers. L'homme étant un être limité dans sa sensorialité par ses sens, n'étant pas d'habitude à reconnaître les éthers, n'ayant pas l'expérience des éthers, n'ayant pas l'expérience de la multidimensionnalité de sa conscience, doit être habitué par son esprit à vivre la peur objectivement jusqu'au jour où, étant suffisamment balancé dans le corps émotionnel et dans le corps mental, même sur le plan physique, il ne puisse plus souffrir de la peur. Donc, dans un volet, la peur est essentielle à l'évolution. La peur a servi pendant l'évolution à raffiner et à perfectionner chez l'homme des mécanismes. Donc, aujourd'hui, l'homme moderne n'a plus peur de certaines choses, comme le type qui vit en Polynésie, qui a peur du vent, ou qui a peur des animaux, ou qui a peur du tonnerre. Alors, l'homme moderne est devenu plus intelligent, il s'est perfectionné, et il n'a plus ses peurs. Mais il a d'autres peurs. Et l'homme ne s'en va pas vers une expérience planétaire qui sera de moins en moins apte à lui créer de la peur. Au contraire, l'homme s'en va vers une expérience planétaire où il sera amené à dépasser l'expérience purement événementielle, matérielle des éléments qui affectent son être, pour l'amener à vivre en contact avec d'autres événements qui ne sont pas matériels, mais qui sont beaucoup plus réels que le matériel et qui ont un impact sur sa conscience beaucoup plus frappant, parce que ces événements sont régis par des lois qui sont autres que les lois de la matière. Donc, l'homme doit être amené à comprendre le mécanisme et les lois de la peur pour pouvoir éventuellement être capable de subir astralement la percée de l'énergie de son esprit, de l'intelligence, et ne pas succomber à la réflexion de son ego quand ces événements se produisent dans sa vie. La psychologie moderne n'a pas de compréhension de la peur, elle n'a que des explications de surface. L'homme a besoin d'explications de fond. C'est-à-dire que l'homme doit un jour, par sa propre expérience, moi je vous en parle, mais c'est dans votre expérience que vous comprendrez ce que je dis, l'homme doit un jour réaliser de lui-même et par lui-même, et ceci c'est vibratoire, ce n'est plus psychologique, que la peur, ça n'existe que lorsque l'on a la capacité d'avoir peur. Et la capacité d'avoir peur, elle est directement liée à la structure de notre psychisme, de notre façon de penser et de notre façon de réagir émotivement. Et ce qui permet cette réaction, c'est le fait que nous ne sommes pas suffisamment dans notre intelligence. Autrement dit, la peur, c'est le produit de l'ignorance humaine, c'est-à-dire que la peur, elle est proportionnelle au manque de contact entre l'ego et son intelligence. Mais si je parle de l'ego, je peux l'expliquer d'une autre façon. Je peux dire que l'ego de l'homme, c'est le rapport proportionnel de l'énergie entre le mental supérieur et son astralité. Autrement dit, l'ego, la manifestation de ce que nous appelons l'ego, c'est la proportionnalité qui existe entre notre intelligence pure et notre intelligence ou notre conscience inférieure. Moins il y a d'intelligence pure, plus il y a de conscience inférieure, plus il y a d'ego. Plus il y a d'intelligence pure, moins il y a de conscience inférieure, moins il y a d'ego. S'il y a simplement ou seulement de l'intelligence pure, il n'y a plus d'ego, c'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité de réflexion émotive et intellectuelle vis-à-vis un événement quelconque qui, chez l'homme, crée ce que nous appelons la peur. Pourquoi? Parce que l'intelligence étant instantanée, fait comprendre instantanément à l'ego la nature, la source, la raison et la condition de l'événement qui pourrait, dans un cas autre, créer la peur. Donc, l'ego n'a plus peur parce que il comprend de lui-même, de son intelligence, tous les aspects qualificatifs de l'événement qui crée la peur. Donc, l'ego devient automatiquement libre de la peur et automatiquement, l'ego n'est plus sujet à la violence qu'elle crée. La violence, c'est le visage opposé de la peur. La violence est le produit. Et quand je parle de violence, je ne parle pas seulement de la violence à coups de poing. Je parle de la violence psychologique. Je parle de cette attitude humaine qui fait que dans le rapport entre les hommes, il n'y ait pas de perfection de rapport. Puis, je parle de la violence sur le plan vibratoire. Je vais plus loin que simplement la violence psychologique qui est évidente à tous les hommes. La violence est le produit de la peur parce que elle est le produit de l'insécurité de l'ego et l'insécurité de l'ego est créée par le fait que l'ego est peureux. Il est peureux de quoi? Il n'est pas nécessairement peureux de l'homme, s'il est bien bâti. Mais il peut être peureux des forces en lui qui neutralisent son astralité parce qu'il ne les comprend pas. Donc, il peut, à son insu, être violent psychologiquement parce qu'il n'a pas suffisamment, il n'est pas suffisamment dans son intelligence pour pouvoir instantanément, dans toute ou n'importe quelle situation, contrôler l'énergie de son corps astral. Le corps astral de l'homme, tout le mécanisme de la forme, tout le monde de l'illusion, tout le monde de la subjectivité, doit être contrôlé par l'intelligence de l'homme. Si cette énergie qui fait partie de l'homme, de ses structures psychiques, de son inconscient, n'est pas contrôlée par l'intelligence, l'homme, quelque part dans le temps, vivra la peur ou il créera chez les individus la violence qui, en eux, sera vécue comme de la peur. Autrement dit, de la peur, nous arrivons à la violence et nous revenons à la peur. C'est pourquoi la violence ne peut jamais résoudre les problèmes du monde parce qu'elle crée la peur. Si l'homme avait le pouvoir de voir dans les éthers, il verrait que l'astral planétaire, l'astral de toute la planète, est composé d'une énergie et que cette énergie, elle est remplie de peur. L'astral de la planète Terre est une atmosphère et nous vivons dedans. Et cette atmosphère est remplie de peur et c'est pourquoi l'homme est incapable de voir dans l'invisible. Autrement dit, ce qui empêche l'homme de voir dans l'invisible comme il voit dans la matière, c'est la peur. La peur qui existe à l'échelle planétaire en tant qu'énergie, en suspension, et sa communication, sa relation avec l'homme astralement. Donc, l'homme qui vivra au cours des années, au cours des siècles, l'initiation solaire, qui en arrivera à découvrir son intelligence, sera obligé de vivre l'expérience de la peur. C'est-à-dire qu'il sera obligé de vivre la confrontation entre son esprit et son astral pour que lui puisse ne plus être influencé par l'astral de la planète. Et à ce moment-là, l'homme pourra commencer à voir dans l'invisible. L'homme verra dans l'invisible lorsque le voile de son astralité sera déchiré, et à ce moment-là, il pourra facilement voir à travers l'astral planétaire et voir automatiquement dans l'éther de la planète. Alors, le phénomène ou le problème de la peur est un problème mondial, c'est un problème aussi individuel, mais c'est plutôt sur le plan individuel que je veux en traiter parce que c'est plus près de nous. Quand je dis que l'homme doit apprendre à ne pas se culpabiliser de la peur, je dis trois choses. Je dis d'abord que la peur est créée en lui, par des forces en lui qui veulent l'amener à un plus haut niveau d'évolution. Deuxièmement, que la peur, elle est nécessaire parce qu'elle convient à sa protection. La peur, c'est une énergie, c'est une expérience qui protège l'homme. Si l'homme n'avait pas de peur, il deviendrait très, très agressif. Et collectivement parlant, les hommes se détruiraient. Donc, la peur est un mécanisme qui sert parce qu'elle empêche l'homme de trop descendre dans les bas-fonds de sa conscience animale. Alors, la peur protège l'homme contre la violence des autres hommes et elle protège aussi l'homme, dans un troisième temps, contre le choc éblouissant de la lumière de son esprit. L'homme n'a aucune responsabilité psychologique vis-à-vis son comportement subjectif. Et quand je dis que l'homme n'a aucune responsabilité psychologique vis-à-vis son comportement subjectif, je dis tout. Et dans le domaine de la peur, dans le domaine de l'expérience de la peur, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui vivent dans la peur, qui ne comprennent pas la peur, qui sont exposés à la peur et qui se culpabilisent de leur peur et qui ne sont pas capables de la vivre objectivement et de réaliser qu'elle est là, cette peur, pour quelque chose. La psychologie contemporaine a tendance à vouloir expliquer à l'homme sa peur pour qu'il n'en soit plus victime. Sur le plan des relations humaines, ça peut aller, ça sert. C'est une science qui est opportune. Mais sur le plan occulte, ça prend autre chose. Autrement dit, lorsque la vibration de l'intelligence pénètre et traverse la conscience astrale de l'homme, l'homme qui va vers une initiation et les hommes découvriront s'ils vont vers l'initiation selon leur propre expérience, il n'y a aucun remède contre la peur. Il y a remède contre la peur psychologique, mais il n'y a pas de remède contre le choc de la peur créé par l'intervention de forces supérieures à travers l'astral humain pour l'élévation de sa conscience en détruisant, réduisant le pouvoir de sa conscience astrale sur son ego. Donc, viendra un moment dans la vie de l'homme, et le moment dans la vie de l'homme, il est marqué pour chaque individu, où il vivra la peur. Mais l'homme doit être expliqué suffisamment la peur pour que, lorsque cette énergie qui descend et qui traverse ou qui transperce sa conscience astrale se fait sentir, pour qu'il puisse la vivre, cette énergie, et ne pas analyser le contexte psychologique ou donner à cette expérience une valeur psychologique quelconque. Sans ça, il va maintenir en lui les conditions astrales qui créent la peur, et à partir de ce moment-là, ce sont d'autres intelligences sur des plans inférieurs qui se serviront de sa faiblesse, de sa condition astrale, de sa condition psychologique, pour créer en lui encore plus de crainte. Je vous donne un exemple. En fin de semaine, j'ai rencontré un couple de Roumanie qui vient d'arriver. Et la dame me dit que depuis quelques années, elle reçoit de l'information vis-à-vis la vie d'un certain nombre de personnes dans son entourage familial ou amical, et que les dates précises qui lui sont données concernant la mort prochaine de ces individus s'avèrent vraies. Autrement dit, elle reçoit de l'information sur telle personne qu'elle va mourir à telle date et la personne meurt, et ensuite un autre, et ensuite un autre, et ensuite un autre. Et finalement, cette personne reçoit l'information que son mari aussi va mourir bientôt le 25 février. Alors, vous vous imaginez, lorsque l'information touche des êtres qui sont près mais qui sont loin, c'est une chose. Mais lorsque l'information touche à notre mari, à notre femme, c'est une autre chose. Donc, la personne, naturellement, et pour de bonnes causes, est troublée. Donc, elle vient me voir et on m'explique ceci. Et je lui dis, le 25 février, vous reviendrez à la conférence avec votre mari et vous verrez qu'après le 25 février, votre mari ne sera pas mort. Oh, elle est contente que je lui dise ça, mais je peux lui dire n'importe quoi. Bon. Ce que la personne ne comprend pas, que j'essaie de lui expliquer, qu'elle comprendra demain, c'est que la peur qui est créée en elle, en vertu d'un pouvoir de voyance, en fonction ou en relation avec des intelligences sur d'autres plans, sert à son évolution. C'est-à-dire que, effectivement, pour saisir son ego, on lui a donné des dates précises, parce qu'on sait de l'autre côté ce qui se passe. Et à la dernière minute, lorsqu'il s'agit de son mari, on lui donne encore une date précise, et là vient une intervention de ma part qui dit non, il ne doit pas mourir, cet homme. Donc, la troublante information l'a sensibilisé à ses forces intérieures, mais ne comprenant pas les lois de la peur, parce qu'elle n'est pas dans l'intelligence, elle a dû vivre ce tourment jusqu'à notre rencontre de vendredi soir. Et même, c'est pas fini, parce qu'elle est encore en suspension, elle n'a pas de raison de me croire. Peut-être que je me trompe. Donc, c'est très important pour l'homme, demain, de comprendre d'une façon finalitaire que la peur est une expérience imposée à son ego pour la pénétration de l'énergie de son intelligence qui doit passer à travers sa conscience astrale. Et Dieu sait si la conscience astrale de l'homme est lourde, dense et extrêmement complexe. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui a besoin non plus d'une philosophie de la réalité, mais il a besoin de comprendre les lois de la réalité qui s'interposent sur son plan matériel et qui peuvent, lorsqu'il avance vers ces réalités de plus en plus subtiles, créer en lui un choc qui, s'il n'est pas suffisamment soit dans une instruction quelconque ou suffisamment dans son intelligence, peuvent réellement l'atterrer. Et avec les temps qui viennent, les temps qui courent, les années qui viendront, les expériences qui viennent, l'homme sera amené à vivre des expériences de peur qui aujourd'hui seraient pour lui terribles, autrement dit, qui aujourd'hui seraient pour lui des murs infranchissables, qui pourraient facilement créer une disconnexion entre l'esprit et l'astral, ce qui mène à la folie. Si j'insiste pour que les hommes comprennent une fois pour toutes que la nature de l'esprit, la nature de l'astral, ne peut pas être comprise par une psychologie ou une philosophie planétaire de l'involution, et que ces mécanismes ne peuvent être compris que par une science mentale qui peut expliquer d'une façon parfaite la relation entre les différents plans de conscience de l'homme pour que l'homme, au niveau de l'ego, cesse une fois pour toutes de s'emmerder. L'ego, c'est une proportionnalité d'énergie entre l'esprit et l'astral. Même l'homme qui a de l'ego ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'ego. Et comme il ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'ego, il a automatiquement tendance à interpréter qu'est-ce que c'est de l'ego parce qu'il est réfléchissant, son ego. Mais pourquoi il est réfléchi sans son ego? Parce que il est trop astralisé. Autrement dit, il y a trop d'astralité dans la conscience de l'homme et pas assez d'intelligence, donc il y a réflexion, donc il y a conscience égoïque, égocentrique. Mais lorsque l'homme évolue et qu'il perd de l'astralité pour gagner de l'intelligence, l'égocentricité ou tous ces mécanismes affectifs, réflectifs, disparaît lentement. Et avec le temps, la peur ne peut plus exister parce que la peur, c'est le pouvoir à l'astral de déformer l'énergie de l'intelligence. La meilleure définition, la plus simple définition de la peur, c'est le pouvoir de l'astral de déformer l'énergie de l'intelligence. Ne cherchez pas plus loin que ça. Votre expérience vous le rendra d'une façon convaincante. Mais si on n'explique pas à l'homme, si on ne dit pas à l'homme ces choses, il ne peut pas penser à ces choses. On ne peut pas penser qu'est-ce que c'est de la peur. On peut interpréter de la peur, mais on ne peut pas penser qu'est-ce que c'est de la peur parce que de la peur, c'est un phénomène extrasensoriel, suprasensible, mais amené à un niveau de perception qui convient à la psychologie de l'homme. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, le rôle de l'homme dans sa conversion énergétique, le rôle de l'homme dans la transmutation de son astralité, le rôle de l'homme dans l'accroissement de son intelligence versus la décroissance de son astralité, réside dans sa capacité d'absorber une instruction qui est absolue. Et quand je dis que l'instruction, elle est absolue, je dis que l'instruction vient de l'intelligence, elle ne vient pas de l'astral. La qualité absolue de l'instruction n'a rien à faire ou n'a rien à voir avec ma personne. Elle a à faire et elle a à voir avec la source, sa source. Et l'homme doit un jour en arriver à percevoir absolument tout ce qui fait de lui un être humain et tout ce qui rend sa vie plus ou moins équilibrée. S'il n'est pas capable de percevoir absolument, c'est qu'il n'est pas dans son absolu, donc il n'est pas dans son intelligence, donc il y a trop de relativité en lui, donc il y a trop d'astralité mélangée avec son esprit. Il est évident que si nous entrons dans un cycle d'évolution, que l'énergie de l'esprit doit percer, transpercer totalement l'astral de l'homme. Et si on me demande, comme souvent Glenn va le faire, quelle est la différence entre ce qu'il appelle ses élus et ceux des autres, là? C'est justement cette capacité de subir cette pénétration à travers le corps astral. Et la descente de l'énergie aujourd'hui à travers les hommes dans le monde se fait selon des lois qui sont universelles et qui tiennent pour tous les hommes. Le caractère dangereux et facétieux de la peur, ce n'est pas la peur elle-même. C'est le fait que nous l'interprétons, c'est le fait que nous ne connaissons pas ces mécanismes, c'est le fait que nous ne savons pas pourquoi elle est placée en nous en tant qu'expérience. Et automatiquement, qu'elle nous force en tant qu'ego de réfléchir sur elle, et donc automatiquement de nous diminuer devant elle. Exemple. Vous allez dans un bar, vous rencontrez quelqu'un, il y a altercation entre vous et ce bonhomme, vous recevez un coup de poing sur la figure, vous tombez par terre, vous avez peur de vous relever et de lui casser une bouteille sur la tête, donc vous retournez chez vous avec la queue entre les deux jambes, et qu'est-ce que vous faites? Vous interprétez votre expérience et vous dites, ouais, j'étais un lâche. Mais vous ne savez pas que cette expérience a servi pour vous protéger contre des coups qui auraient été plus difficiles si vous vous étiez relevé. Je vous donne un exemple. Autrement dit, j'essaie d'enlever à l'ego son interprétation de la peur pour lui faire connaître l'importance de la vivre objectivement. Donc, si vous vous faites casser la gueule dans un club et que vous tombez par terre et que vous êtes suffisamment conscient de ce qui se passe, il y aura chez vous changement vibratoire dans le corps astral. Donc, que vous vous fassiez casser la gueule, c'est très bon. Mais qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, au lieu de réaliser ceci, se replie sur lui-même, renchérit sa notion qu'il a été insulté dans son ego, qu'il a été insulté dans sa personne, ainsi de suite, et là, il retourne chez lui avec une perte de conscience, au lieu de retourner chez lui avec un accroissement de conscience. Moi, je me suis fait frapper à la figure une fois sur la rue et j'ai tombé par terre. Et quand j'étais par terre, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Et on m'a répondu, reste là, prends le choc. C'est très bon pour le changement de tes corps. Lorsque l'homme est dans son intelligence, il comprend instantanément l'expérience de la peur. Lorsque l'homme n'est pas dans son intelligence, il interprète la peur et automatiquement il la couvre. Et automatiquement, il cherchera à la décupler. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que de la peur viendra la violence. Le type voudra se revancher. Et ça continue comme ça. Et il demeure dans cette vibration pendant des années, des années, des années, des années. C'est très important pour l'homme de comprendre que la peur lui est imposée et que toute situation de vie est bonne. Et Dieu sait si l'esprit est suffisamment attentif aux événements de la vie pour nous créer des situations qui nous déboussolent égoïquement. Mais il est là le jeu. Pourquoi nous ne sommes pas avertis des événements pour que nous puissions en subir le choc? Si nous étions avertis des événements, si vous étiez avertis que demain après-midi à 2h30, vous allez vous faire casser la gueule, vous arriveriez sur la situation ou sur le terrain avec des gants de boxe déjà tout préparé. Alors, ça servirait aucunement à rien. La peur, la compréhension des lois de la peur et la capacité de vivre la peur objectivement sans que nous mettions de l'ego dedans, c'est la clé. C'est la clé de la porte qui mène à l'éthérique. Il n'y a aucun homme qui connaîtra l'éthérique sans avoir vécu la peur. Et la peur que l'homme vivra, il la vivra d'une façon qui convient à ses vibrations. Donc, il ne saura jamais comment il réagira lorsque le choc de cette énergie se fera au niveau du corps astral. Mais si l'homme, dans ce choc, sait, comprend ce qui se passe, il absorbe l'énergie qui fait vibrer le corps astral, qui change le corps astral, qui permet à l'énergie de l'intelligence de descendre et de descendre vers la conscience éthérique. Et à ce moment-là, il ne fait plus interférence au niveau astral avec les mécanismes de réflexion. L'énergie passe. Il vit le grand courant qui crée la peur, mais il sait qu'il n'a rien à craindre. Les gens qui se dédoublent en astral, qui vont en astral pour la première fois, savent, connaissent cette peur de sortir de leur corps matériel. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'ils prennent conscience qu'ils sont sortis de leur corps matériel? Il se produit la peur, et qu'est-ce qui se fait ensuite? Ils reviennent dedans. Donc, la peur est un mécanisme qui, s'il n'est pas compris, s'il n'est pas saisi, empêche la descente de l'énergie de l'esprit à travers l'astral. Et c'est ce qui lie l'homme à la matière. L'homme est lié à la matière par la peur. L'homme ne peut pas trafiquer avec d'autres aspects de lui-même sur d'autres plans parallèles parce qu'il a la peur. Alors l'homme doit apprendre à la vivre, la peur objectivement, comme il apprend à vivre de l'intelligence objectivement, puisque la peur est le produit de l'intelligence sur son astralité ou contre sa conscience inférieure. Il n'y a pas de honte dans l'expérience de la peur, mais il peut y avoir de l'ignorance. Il peut y avoir des illusions, des formes. Et cette ignorance diminue l'intelligence de l'ego. Il n'y a pas de honte dans la peur. Mais si elle est mal vécue, il y a retard. Il y a retard dans l'évolution de l'homme. Au cours de l'évolution, la peur a été très mal vécue sur la Terre. Les hommes ont vécu la peur s'ils étaient trop faibles. Ils en souffraient. S'ils étaient forts, ils l'utilisaient et automatiquement, elle devenait violence. Donc, la peur au cours de l'évolution, bien qu'elle se soit réajustée avec les mœurs, avec la civilisation, est demeurée. Et aujourd'hui, dans le monde, la peur existe. Elle existe chez les hommes et lorsqu'elle est manifestée dans une société où il y a de grands changements qui perturbent possiblement son présent et son avenir, l'homme sent la crainte de l'avenir, sent l'instabilité du futur et il vit encore de la peur qui devient, sur le plan psychologique, une certaine anxiété. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son intelligence. C'est totalement absurde. Et vous le reconnaîtrez un jour, c'est totalement absurde d'avoir conscience subjective d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de vivre la peur lorsqu'elle vient. Et c'est bon de la vivre objectivement, la peur. Et un homme qui vit objectivement la peur devient automatiquement plus intelligent et automatiquement diminue le potentiel de son retour. Donc, éventuellement, la peur ne peut plus exister dans l'homme. Mais faut qu'il la vive pour qu'elle s'éteigne. Et elle s'éteint lorsque une suffisance d'événements reliés à la pénétration de l'esprit dans le corps astral se fait sentir au cours des années. C'est très, très, très difficile pour moi d'expliquer l'homme à l'homme, pour deux raisons. Parce que l'homme ne peut pas être compris, ne peut pas se comprendre tant qu'il ne se comprend pas. Donc, si je parle à l'homme, je parle toujours en fonction d'un certain devenir. Et deuxièmement, lorsque je parle à l'homme et que j'explique l'homme à l'homme, il lui est difficile de réaliser que ce que je dis à l'homme n'est pas de l'homme. Donc, n'étant pas de l'homme, il doit s'avérer correct dans le temps. Mais l'homme, lui, en attendant, est obligé de manipuler ses pensées ou ses formes et de se servir de ses pensées, de ses formes, selon sa vibration astrale. Si l'homme est suffisamment vibratoire, il comprendra ce que je dis vibratoirement. Mais c'est dans l'expérience qu'il sera confronté avec la réalité de ce que je dis. Si je dis que l'homme, un jour, sera totalement objectif dans son expérience humaine et que la peur ne pourra plus l'affliger, c'est parce que à ce moment-là, il réalisera vibratoirement et instantanément la présence de l'activité de l'intelligence à travers son corps astral. L'activité de son double. parce que c'est le double de l'homme qui est l'agent perturbateur dans sa vie sur le plan de l'évolution. Comme ce sont les activités ou les entités astrales qui sont les agents troublants ou pacificateurs dans la vie de l'homme. Le double ne pacifie pas l'homme et ne trouble pas l'homme. Il perturbe l'homme. Donc, l'homme peut vivre sa vie interne à trois niveaux. Il peut la vivre sur un plan de pacification, il peut la vivre sur un plan de trouble, ou il peut la vivre sur un plan de perturbation. La seule force dans l'homme qui perturbe l'homme, c'est l'esprit. Si l'homme est en contact avec des forces astrales, des entités dans l'astral, ces entités peuvent le pacifier ou elles peuvent le troubler. Le troubler peut mener à la folie, le pacifier peut le rendre à une très haute spiritualité. Mais si l'homme est en contact avec l'esprit, il sera perturbé dans son astralité et ce qui était avant pour lui pacification ou ce qui était pour lui avant trouble sera éliminé. Parce que la fonction de l'esprit, ce n'est pas de pacifier ou de troubler l'homme, c'est de perturber ses corps à un tel point qu'un jour, il n'ait plus besoin d'être ni pacifié, qu'il ne puisse plus un jour être troublé parce que tout aura été perturbé. Donc, si nous regardons le phénomène de la peur, il faut le voir en fonction de l'activité de perturbation de l'esprit. Et comme tous les hommes ont de l'esprit, tous les hommes sont capables de vivre leur peur objectivement. Si les hommes n'avaient pas d'esprit, les hommes seraient obligés de vivre leur peur subjectivement et elle serait permanente, cette peur, parce qu'elle serait totalement le produit d'une domination astrale chez l'homme. Mais l'esprit de l'homme, ce n'est pas une force dominatrice. L'esprit de l'homme, c'est lui, c'est sa source, c'est son origine, c'est sa fin. C'est sa totalité, c'est son identité. Donc, si l'esprit de l'homme décide de perturber l'ego, il le fait pour de bonnes raisons. C'est à l'ego de comprendre que l'esprit fait un travail. Donc, c'est à l'ego de saisir et de réaliser que la peur n'a rien à faire avec lui, que la peur est le produit de la descente de l'esprit à travers son astral pour décomposer atomiquement cette énergie pour qu'un jour il puisse vivre simplement de l'esprit, pour qu'un jour il puisse entrer dans les mondes parallèles où il sera en esprit et où il ne sera plus ni pacifié illusoirement et ni troublé en délusion par l'astral.